chapitre 2. Au bout d'une année, Lars était devenu président du conseil paroissial, directeur de la caisse d'épargne et commissaire en chef à la cour de conciliation. Bref, il possédait tous les offices auxquels il est possible de parvenir par l'élection. Dans le conseil d'inspection pour le comté, il ne prit pas la parole pendant une année. Mais l'année suivante, il produisit la même sensation que lors de ses premiers discours au conseil paroissial. Ici encore, rompant en visière avec celui qui avait été, jusqu'alors, le pouvoir dirigeant, il l'emporta sur toute la ligne, et ce fut lui désormais qui commanda. De là, sa fortune le conduisit au Storthing, parlement, où sa réputation l'avait précédé. Aussi ne manqua-t-il pas d'y trouver des adversaires. Mais ici, bien que persévérant et ferme, il se tint toujours sur la réserve. Il ne se souciait d'exercer de l'influence que là où il était bien connu, et ne voulait pas compromettre la domination qu'il exerçait dans la paroisse par des défaites au dehors. Sa carrière était brillante. Quand, le dimanche, il se tenait près de la porte de l'église et que la congrégation passait lentement, le saluant tout bas, et que chacun s'arrêtait pour échanger quelques mots avec lui, on pouvait dire, en toute vérité, que son brin de paille faisait marcher toute la paroisse. Il méritait ses honneurs. La route qui conduisait à l'église, c'est lui qui l'avait ouverte. L'église neuve elle-même, devant laquelle il stationnait, c'est lui qui l'avait bâtie. Tout cela, et bien d'autres choses encore, était dû à la caisse d'épargne qu'il avait fondée et qu'il gérait en personne. Ses ressources nouvelles avaient été fécondes et la paroisse était citée en exemple à toutes les autres comme un modèle de bonne administration. Knud Ocker s'était entièrement retiré de la lice, bien que dans les premiers temps, il assista quelquefois encore aux séances du conseil paroissial, parce qu'il s'était promis à lui-même de continuer à offrir ses services, bien que cette condescendance répugnât un peu à son orgueil. La première fois qu'il fit une motion, il fut si grandement mis dans l'embarras par Lars, qui insistait pour qu'il la présentât dans tous ses détails, que se sentant un peu blessé, il finit par dire « Quand Colomb découvrit l'Amérique, il ne la trouva pas divisée en paroisses et doyennés. Cela vint peu à peu. » Là-dessus, Lars, dans sa réplique, compara la découverte de l'Amérique à la proposition de Knud. Or, cette proposition se rapportait à des réparations d'étables, et depuis lors, Knud ne fut plus connu dans le conseil que sous le nom de la découverte de l'Amérique. Aussi, voyant qu'il avait cessé d'être utile, il ne se crut plus obligé de mettre la main à la pâte et refusa désormais d'être réélu. Pourtant, il continua à être actif, et pour ne pas rester tout à fait inutile, il agrandit son école du dimanche, et au moyen des petites contributions de ceux qui y assistaient, il la mit en communication avec la Société des Missions, dont il devint le centre et le chef dans son comté et les comtés voisins. Là-dessus, Lars Hugstad fit la remarque que si jamais Knud entreprenait de collecter de l'argent pour quelque entreprise, il fallait qu'il fût assuré d'avance qu'il s'agissait de faire du bien à quelques mille lieues de chez lui. Il est bon de faire observer que désormais, il n'y eut plus de querelles entre eux. Assurément, il ne fut plus question de s'associer pour rien l'un avec l'autre, mais quand ils se rencontraient, ils se saluaient et causaient un moment. Knut sentit toujours quelque peine à la seule pensée de Lars, mais il s'efforçait de maîtriser cette impression et de se persuader à lui-même que les choses n'auraient pas pu se passer autrement. Quelques années plus tard, dans une grande fête de mariage où ils assistaient tous deux et étaient tous deux de très bonne humeur, Knud monta sur une chaise et proposa un toast au président du conseil paroissial et au premier représentant que le comté avait envoyé au Storthing. Il parla jusqu'à devenir profondément ému et, comme d'habitude, s'exprima d'une manière extrêmement belle. Chacun pensa qu'il s'était fait grand honneur. Lars vint à lui et son regard se troubla quand il dit que c'était à lui, Knud, qu'il était redevable de presque tout. Et à la première élection du conseil, Knud fut, de nouveau, nommé président. Mais si Lars Hugstad avait prévu ce qui allait s'en suivre, il n'eût pas certainement usé de son influence pour parvenir à ce résultat. « Chaque chose arrive en son temps », dit un vieux proverbe, et juste au moment où Knud Ocker entrait en fonction, quelques-uns des meilleurs membres de la paroisse se trouvèrent menacés d'une ruine complète à la suite d'une fureur de spéculation qui faisait rage depuis longtemps, mais ne commença qu'alors à faire des victimes. On disait que Lars Høgstad était la cause de ce désastre, parce que c'était lui qui avait appris à la paroisse à spéculer. Cette fièvre d'argent avait pris naissance dans le conseil paroissial, car le conseil lui-même était le plus grand spéculateur de tous. Chacun, jusqu'au jeune travailleur de 20 ans, entendait bien dans ses transactions d'un écu en tirer 10. Au début, le conseil se montra d'une extrême parcimonie, mais qui fut bientôt suivi d'une folle prodigalité. Tous les efforts étaient tendus vers le lucre. En même temps se développa un esprit de soupçon, des exigences sans fin, un goût de chicane qui aboutit à des procès et à des haines. Ici encore, disait-on, l'exemple donné par le conseil fut très fâcheux, car l'une des premières choses que fit Lars en sa qualité de président fut d'ordonner des poursuites contre le vénérable vieux pasteur pour avoir pris des titres douteux. Le conseil l'emporta devant la justice, mais immédiatement après, le pasteur résigna son poste. Les uns avaient approuvé, d'autres blâmé ce procès qui fut en tout cas un précédent fâcheux. Bientôt, les conséquences de l'administration de Lars se montrèrent sous la forme de pertes subies par la plupart des propriétaires de la paroisse. Un brusque changement se produisit dans l'opinion publique. L'opposition trouva bientôt son chef dans la personne de Knud Hocker, qui était rentré dans le conseil sous le patronage de Lars lui-même. La lutte s'engagea sur le champ. Les jeunes gens qui avaient reçu, dans le temps, les enseignements de Knud, étaient devenus des hommes faits, les membres les plus éclairés, les plus actifs de la paroisse. C'est à eux que Lars eut affaire désormais, et depuis leur enfance, ces jeunes gens lui gardaient rancune. Un soir, après une séance orageuse du conseil, comme il s'était arrêté sur les degrés à l'entrée de sa maison, il lui sembla entendre, comme une rumeur lointaine, s'avançant contre lui de tous les gardes, de toutes les demeures. C'était le pressentiment que le jour où la ruine s'abattrait sur la paroisse, la caisse d'épargne lui-même serait renversée, et que, pour prix de ses longs efforts, l'animadversion de tous retomberait en imprécation sur sa tête. Dans ces jours de conflit et de découragement, des commissaires, envoyés par la direction du chemin de fer central, pour déterminer la direction de la nouvelle voie, arrivèrent un soir à Høgstad, le premier garde à l'entrée de la paroisse. Dans l'entretien qu'il eut alors avec les commissaires, Lars apprit qu'il s'agissait de savoir si la nouvelle ligne traverserait la vallée ou bien suivrait une direction parallèle de l'autre côté des montagnes. Ce fut pour lui comme un éclair de lumière. S'il pouvait réussir à faire passer la ligne du chemin de fer par la vallée, les propriétés foncières acquerraient de la valeur, lui-même serait sauvé, et sa renommée passerait à la postérité la plus reculée. Il ne put s'endormir cette nuit-là. Ses yeux étaient éblouis par une lumière éclatante. Parfois même, il lui semblait entendre le roulement d'une locomotive. Le lendemain, il accompagna les commissaires dans leur inspection locale. Ce fut son cheval qui les conduisit et les ramena le soir à Høgstad. Le jour suivant, ils se rendirent dans l'autre vallée, Lars toujours avec eux. Tous revinrent passer la nuit chez lui. Ils trouvèrent le garde brillamment illuminé. Les notables de la paroisse avaient été conviés à une grande fête donnée en l'honneur des commissaires et qui dura jusqu'au lendemain. Tout cela pourtant sans résultat utile. Plus on examina de près l'état des choses, plus on dut se convaincre que l'établissement projeté du chemin de fer se trouvait en présence de cette alternative. Pour pénétrer dans la vallée que fermait une gorge étroite, la voie nouvelle devait suivre à peu près le parcours de la route de terre actuelle et s'élever ainsi à une altitude qui la rendait impossible, ou bien prendre au plus court, mais sur cette ligne directe, il fallait, de toute nécessité, faire passer la voie au travers de l'ancien cimetière. Or, c'était peu de temps auparavant que le nouveau champ des morts avait été ouvert. La dernière inhumation qui s'était faite dans l'autre était récente. La situation étant telle, le projet devenait inexécutable et toute perspective d'avoir jamais le chemin de fer était illusoire. Pourtant, se disait Lars, s'il ne s'agit que d'emprunter une minime portion du cimetière abandonné pour que la paroisse soit gratifiée d'un aussi grand bienfait que le passage de la ligne ferrée, serait-il donc possible qu'on dût y renoncer? N'était-il pas tenu, lui, Lars, de faire appel à toute son énergie, à tout ce qui lui restait encore d'influence pour écarter cet obstacle? Plein de cette pensée, il se rendit immédiatement chez le pasteur et le doyen, puis auprès du conseil diocésain. Il parla, il parlementa. Armé de tous les faits et de tous les chiffres possibles concernant l'immense avantage pour la vallée de posséder cette voie ferrée qu'appelaient les vœux de la population, il emporta tous les suffrages. Moyennant le transfert dans le nouveau cimetière de quelques-uns des corps inhumés dans l'ancien, toute objection pouvait être considérée comme nulle et non avenue. On lui donna l'assurance que l'autorisation royale, indispensable dans ce cas particulier, serait obtenue sans difficulté. On ajouta que tout ce qui lui restait à faire était de s'entendre sur la question avec le conseil paroissial. La population était aussi excitée que Lars lui-même. L'esprit de spéculation qui depuis quelques années l'avait emporté dans la paroisse tournait à une joie folle. On ne parlait, on ne s'occupait plus que du voyage de Lars et de ses résultats possibles. Quand il revint porteur de bonnes nouvelles, on lui rendit tout honneur, on chanta des actions de grâce à sa louange. En vérité, si à cette heure-là les propriétaires les plus considérables de la localité avaient fait faillite l'un après l'autre, on y aurait à peine pris garde. La fièvre de la spéculation avait fait place à la fièvre des chemins de fer. Le conseil paroissial s'assembla. Une pétition respectueuse, demandant que l'ancien cimetière fût approprié pour le passage de la voie, lui fut présentée. On l'adopta à l'unanimité. Il fut même question de voter à Lars, en témoignage de gratitude, une cafetière d'argent ayant la forme d'une locomotive. On jugea pourtant qu'il serait mieux d'attendre pour cela que le plan tout entier eût été mis à exécution. La pétition fut transmise au conseil diocésain et revint avec la demande d'une liste de tous les corps qui devaient être transportés. Le pasteur dressa cette liste, mais au lieu de l'envoyer directement à son adresse, il la fit passer, pour des raisons à lui connues, par l'intermédiaire du conseil paroissial. Ce fut Lars, en sa qualité de président, qui eut à ouvrir l'enveloppe et à faire lecture de la liste. Or, il se trouva que le premier corps qui devait être exhumé était celui de son grand-père. Un petit frisson parcourut l'assemblée. Lars lui-même tressaillit, mais continua pourtant sa lecture. Le second corps se trouva être celui du grand-père de Knud Ocker. Ces deux hommes étaient morts à un petit intervalle l'un de l'autre. Knud bondit de son siège. Lars s'arrêta. Chacun se regardait consterné, car le vieux Knud Ocker avait été, en son temps, le bienfaiteur de la paroisse et le plus aimé de ses contemporains. Il y eut, pendant quelques minutes, un silence de mort. Lars, enfin, s'éclaircit le gosier et continua à lire. Mais plus il avançait dans sa lecture, et plus les choses se gâtaient, car à mesure qu'on se rapprochait de l'époque actuelle, les morts semblaient plus chers et sacrés. Quand il eut fini, Knud Ocker demanda tranquillement s'il ne semblait pas à chacun que l'air autour d'eux fût rempli d'esprit. Il commençait justement à faire sombre dans la salle, et bien qu'il n'y eût là que des hommes d'âge mûr et en grand nombre, il ne pouvait se défendre d'être inquiet. Lars tira de sa poche un paquet d'allumettes et fit de la lumière, remarquant sèchement qu'il n'y avait là rien absolument qui ne fût déjà bien connu de tous. « Oui, c'est vrai, » dit Knud, parcourant la salle à grands pas, « et pourtant c'est plus grave encore que je ne l'avais cru jusqu'ici. Je m'aperçois maintenant que même des chemins de fer peuvent être achetés à trop haut prix. » Ces paroles firent sur l'audience une impression profonde. Remarquant qu'il serait bon de considérer la chose de plus près, Knud fit une motion à cet effet. « Dans l'excitation qui a prévalu parmi nous, dit-il, le bénéfice à retirer de l'établissement de la voie ferrée a été grandement exagéré. Même dans le cas où la ligne n'aurait pas traversé la paroisse, il y aurait eu pourtant une station à chacune des extrémités de la vallée. À la vérité, le chemin aurait été plus long pour y parvenir que si la station se fût trouvée au centre. Pourtant, la difficulté n'aurait pas été telle qu'il fût nécessaire, pour y échapper, de violer le repos des morts. » Quand ses pensées l'entraînaient par un mouvement rapide, Knud était capable, pour les défendre, de présenter des arguments convaincants. Un instant auparavant, ce qu'il dit alors ne lui était pas venu à l'esprit. Et pourtant ses paroles arrivèrent au cœur de tous. Lars sentit le danger, et jugeant que la prudence était de mise, il acquiesça en apparence à la proposition d'ajournement. « Ces impressions vives, pensa-t-il, sont toujours fâcheuses au début. le mieux est de temporiser. Mais ils s'étaient mépris. La crainte de toucher aux morts de leur propre famille monta comme une marée grandissante dans les âmes des habitants de la vallée. Ce qui ne leur avait paru d'abord que quelque chose d'abstrait devint pour eux une question solennelle, un fait redoutable. Les femmes surtout étaient excitées, et le lendemain, au moment de l'assemblée, le chemin qui mène à la maison commune était noir de monde. C'était un jour chaud d'été. Les fenêtres avaient été enlevées, et il y avait autant de gens en dehors qu'à l'intérieur. Chacun sentait qu'un grand combat allait se livrer. Lars arriva et fut affectueusement salué par tous. Tranquille et plein de confiance, il regardait autour de lui, ne semblant nullement surpris. Il prit place près de la fenêtre, son brin de paille aux dents, et un demi-sourire se montra sur sa figure sarcastique quand il vit Knud Ocker se lever pour prendre la parole au nom des morts de l'ancien cimetière de Högstak. Mais ce ne fut point par là que Knud Ocker commença. Il s'appliqua d'abord à exposer avec soin combien, dans tout le bruit qui se faisait depuis quelque temps, les avantages à attendre du chemin de fer avaient été surfaits. Il appuyait de preuves positives chacune de ses assertions, car il avait calculé la distance de tous les gardes à la station la plus prochaine. Et finalement, il demanda « Pourquoi y a-t-il eu tant de tapage à propos de ce chemin de fer, si ce n'est à cause du bénéfice que la paroisse espère en retirer ?» Il lui fut aisé de démontrer qu'il était d'un intérêt pressant pour ceux qui avaient amené dans le pays un état de choses si fâcheux, de créer maintenant une agitation nouvelle afin de faire oublier le passé. Et puis, ajoutait-il, certaines gens, dans la fièvre du moment, espèrent sans doute vendre à grand prix leurs gardes et domaines à des étrangers assez fous pour les acheter. Or, c'est là une spéculation honteuse à laquelle on veut faire contribuer non seulement les vivants, mais encore les morts. L'effet de cette allocution fut considérable, mais Lars, quoi qu'il advînt, était bien résolu à garder son sang-froid. Il répliqua que Knud, lui-même, avait été d'abord très porté pour le chemin de fer. Et cependant, qui donc voudrait accuser Knud d'avoir quelque chose à faire avec la spéculation? Ici, un petit rire. Knud n'avait pas élevé la moindre objection contre le transfert des corps de gens du commun peuple afin de rendre la voie ferrée possible. C'est seulement quand il s'est agi du corps de son grand-père qu'il s'est aperçu tout à coup que le sort et le bonheur de la communauté tout entière étaient menacés. Il n'ajouta rien, mais regarda Knud en souriant du bout des lèvres, ce que d'autres firent comme lui. Cependant, la réponse de Knud le surprit, comme elle surprit chacun. Je dois l'avouer, je n'ai bien compris la chose que lorsque je me suis senti atteint dans mes affections de famille. Il est bien possible que ce soit là une honte, mais ça aurait été une honte bien autrement regrettable encore de n'avoir rien éprouvé de pareil, comme c'est le cas de Lars. Et il conclut en disant « Jamais la raillerie n'a été plus hors de place. Et pour tous ceux qui ont le sentiment de la décence, l'affaire tout entière est absolument révoltante. » « Ce sentiment est quelque chose qui s'est produit tout à fait récemment, » répliqua Lars. « Nous pouvons donc espérer qu'il se dissipera comme il est venu. Après nous avoir vus tous d'accord pour mettre le char en mouvement, que diront le pasteur, le doyen, le conseil diocésain, les ingénieurs et le gouvernement lui-même, en apprenant que nous cherchons à l'enrayer, et après des chants de réjouissance que nous nous mettons à pleurer et à faire des oraisons funèbres. S'ils ne déclarent pas que nous sommes devenus fous dans cette paroisse, ils trouveront au moins que nous avons agi de la façon la plus inexplicable. Et ils auront raison, Dieu le sait, rétorqua Knud. Nous nous sommes conduits récemment, en effet, d'une singulière façon, et il est grand temps de nous amender. Les choses en sont venues pour nous au point décisif. Nous voilà prêts, chacun de nous, à déterrer nos propres grands-pères pour faire place au chemin de fer, à troubler le repos de nos morts pour que nos propres fardeaux puissent être voiturés un peu plus commodément et plus vite. N'est-ce pas comme si nous mettions notre cimetière en labour pour y récolter de quoi faire du pain? Ce qui a été déposé là, au nom de Jésus, nous l'enlevons au nom de Moloch. Cela ne vaut guère mieux que de manger les os de nos ancêtres. Mais c'est le cours de la nature, dit Lars froidement. Oui, pour les animaux et les plantes. Eh, ne sommes-nous pas des animaux? Oui, mais nous sommes aussi les enfants du Dieu vivant. Nous avons enterré nos morts dans la foi en lui. C'est lui qui doit les réveiller, et non pas à nous. Ce sont là des mots et rien de plus. Ne serons-nous pas obligés de fouiller nous-mêmes le cimetière quand le moment de la seconde série des inhumations sera venu? Quel mal y a-t-il à le faire quelques années plus vite? Je vais vous le dire. Ce qui est né d'eux respire encore. Ce qu'ils ont bâti demeure. Ce qu'ils ont aimé, ce pourquoi ils ont souffert, vit encore autour de nous et en nous. Et nous ne serions pas tenus à les laisser dormir en paix? Votre ardeur montre bien que de nouveau vous pensez à votre grand-père, répliqua Lars. Et je dois dire que selon moi, il est plus que temps que la paroisse soit débarrassée de lui. Il a pris déjà bien trop de place pendant qu'il était en vie. Il n'est pas juste qu'il soit encore sur notre chemin, maintenant qu'il est mort. Si son corps devait priver cette paroisse d'une bénédiction qui s'étendra à travers des centaines de générations, nous pourrions dire, en toute vérité, que de tous ceux qui sont nés ici, c'est lui qui nous a fait le plus de mal. Knud Ocker secoua ses cheveux en désordre. Ses yeux flamboyaient. Toute sa personne semblait tendue comme un ressort d'acier. « J'ai déjà montré, s'écria-t-il, ce qu'il adviendra de la bénédiction dont vous parlez. Elle ressemble à toutes celles dont vous avez comblé cette paroisse. Il est vrai que vous nous avez pourvus d'une nouvelle église, mais vous l'avez remplie d'un esprit nouveau, et ce n'est pas celui de l'amour. Vous nous avez fourni de nouvelles routes, mais des routes qui conduisent à l'abîme, comme cela est manifeste aujourd'hui par les infortunes de plusieurs. Vous avez diminué nos taxes publiques, c'est vrai, mais vous avez augmenté les taxes privées. Les procès, les dettes hypothécaires, les banqueroutes ne sont pas des dons profitables pour une communauté. Et vous osez déshonorer dans sa tombe l'homme que toute la paroisse révère? Vous avez le front de dire qu'il est sur notre chemin? Ah oui, certainement, il est sur votre chemin à vous, car sa tombe sera la cause de votre chute. L'esprit qui a régné jusqu'aujourd'hui sur nous tous était un esprit de servitude. On laissera certainement le cimetière en paix. Mais aujourd'hui même, il faudra y ajouter une fosse, celle de votre popularité qui y restera enfouie. Lars Hugstad se leva, blanc comme un linge. Ses lèvres s'ouvrirent, mais il ne put prononcer un mot. Le brin de paille tomba. Après quelques efforts pour le retrouver et retrouver en même temps la parole, il éclata comme un volcan. Et c'est là les remerciements que je recueille pour toutes mes peines et mes corvées et mes tourments? Si c'est ce prêcheur de femmes qui doit être votre maître, puisse le diable présider lui-même votre assemblée avant que j'y remette les pieds. C'est grâce à moi que votre boutique a tenu jusqu'aujourd'hui. Après moi, elle tombera en 1000 pièces, et c'est déjà fait. Voilà votre registre, et il le jeta sur la table. Honte à cette assemblée de vieilles commères et de marmots. Et il frappa violemment sur le bureau. Honte à toute cette paroisse qui récompense ainsi son bienfaiteur. De nouveau, il laissa retomber son poing fermé sur la table de la présidence, avec une violence telle que l'écritoire roula à terre, marquant ainsi d'une grande tache noire pour les générations futures la place où Lars Hugstad, en dépit de sa longue domination, de sa patience et de son habileté, était rentré dans le néant. Il se précipita vers la porte et disparut. L'assemblée resta immobile. La colère de Lars et sa voix tonnante avait épouvanté les conseillers ahuris. Alors, Knud Ocker, se rappelant le traitement insultant qu'il avait reçu lors de sa chute à lui, s'écria, l'air radieux et en contrefaisant la voix de Lars. Est-ce là le coup décisif qui tranche la question? De joyeux éclats de rire, partant de toutes parts, saluèrent ses paroles. Cette séance solennelle finit dans l'allégresse. Deux ou trois membres seulement quittèrent la salle. Tous les demeurants se firent apporter à boire afin d'arroser gaiement leur repas, et une nuit bruyante succéda à ce jour orageux. Chacun se sentait heureux et libre comme autrefois, alors que l'esprit dominateur de Lars n'avait pas encore courbé leurs âmes sous une obéissance muette. Ils portèrent des toasts à leur affranchissement. Ils chantèrent de tout leur cœur, et finalement, en vérité, ils se mirent à danser. Knud Ocker et le vice-président figurant en tête de la grande sarabande qui les emporta tous. Garçons et filles se joignirent à la danse, tandis qu'au dehors de la salle retentissaient des hurrahs en l'honneur de cette journée, telle que la paroisse n'en vit jamais de pareille.